Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 94e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du dialogue que nous avons commencé depuis quelques semaines et dans lequel Khaled interroge Mohammed sur les prières quotidiennes accomplies par les musulmans. Dans les répliques précédentes, Khaled interrogeait Mohammed sur le nombre d'unités qui composent les prières de l'aube, de midi et de l'après-midi. Dans les deux répliques suivantes, il lui demande de combien d'unités sont composées les prières accomplies après le coucher du soleil. والمغرب والعشاء المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. La nouvelle question de Khaled est composée de trois termes que nous avons tous déjà étudiés précédemment. La particule waw qui correspond à la conjonction et en français, Al-Maghrib, qui désigne le coucher du soleil, et Al-Isha, qui correspond à la période du début de la nuit. Dans cette question, Khaled indique les noms des deux périodes de la nuit, mais à la lumière du contexte des répliques précédentes, on comprend qu'il s'intéresse en réalité au nombre d'unités dont sont composées les deux prières accomplies à ces moments de la nuit. La construction Kam Rak'atan, qui signifie « combien d'unités de prière » est donc sous-entendue dans cette question. D'autre part, comme dans la réplique précédente de Mohammed, les noms Al-Maghrib et Al-Isha font référence en réalité à Salatul Maghrib, la prière du coucher du soleil, et Salatul Isha, la prière du début de la nuit. Khaled a donc simplifié la question qui à l'origine aurait dû être Wa kam rak'atan Salatul Maghribi wa Salatul Isha, ce qui signifie et combien y a-t-il d'unités dans la prière du coucher du soleil et dans la prière du début de la nuit? En présence du contexte, il lui a donc suffi de dire « wal maghribu wal isha » qu'on pourrait traduire par « et dans celle du coucher du soleil et du début de la nuit ». Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohammed qui est composée de sept termes. « Al maghribu thalathu raka'atin wal isha'u arba'u raka'at ». Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul mot nouveau qui est « thalathu » qui correspond au chiffre 3. Le sens de tous les autres mots a déjà été expliqué dans cette série de mini-cours, et à la lumière du contexte et des explications apportées dans les trois cours précédents, on peut donc comprendre assez facilement le sens de cette phrase. Al-Maghribu thalathu raka'atin, wal-Isha'u arba'u raka'at. La prière du coucher du soleil est composée de 3 unités, et celle du début de la nuit de 4 unités. Voilà pour aujourd'hui, ce 94e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le 95e mini-cours, dans lequel nous reviendrons sur les notions de nombre et de quantité présentes dans ce dialogue et terminerons par l'étude des deux dernières répliques entre Khaled et Mohammed. Wassalamu alaikum.